J'aurais assez vu s'entretuer des frères. Quand les hommes pour moi seront un peu trop chiants. Et quand enfin là-bas se lèvera le vent. Et quand enfin là-bas se lèvera le vent. Et quand enfin là-bas. Quand j'aurai tout tenté pour éviter l'enfer. Quand je serai fatigué du béton et du fer. Quand les hommes pour moi ne seront plus marrants. Et quand enfin là-bas se lèvera le vent. Et quand enfin là-bas se lèvera le vent. Et quand enfin là-bas. Retrouver de l'amour chez elle.